elle est là sur le trottoir. De l'autre côté de la rue, personne ne le regarde. Et pourtant tout le monde l'a vu. Pas la peine d'allumer la lumière, ses yeux sont morts. Pas la peine de pleurer sa misère. Le noir le rend plus fort. Les yeux fixés sur son chemin, il croise tous ces regards qui fuient. Il les entend, il les sent bien. Les yeux qui se posent sur lui. Pas la peine d'allumer la lumière, ses yeux sont morts. Pas la peine de pleurer sa misère. Le noir le rend plus fort. Je n'ose pas l'aborder et à peine le regarder. Il ne voit pas mon visage, mais peut-être voit-il mon âme. Pas la peine d'allumer la lumière, ses yeux sont morts. Pas la peine de pleurer sa misère. Le noir le rend plus fort. Pas la peine d'allumer la lumière, ses yeux sont morts. Pas la peine de pleurer sa misère. Pas la peine d'allumer la lumière, ses yeux sont morts. Pas la peine de pleurer sa misère.